Concert après concert, je reste le même. Peu importe, je fais les mêmes rêves qu'hier. Et même si le succès me brûle les ailes, je sais que quelqu'un m'attend au ciel. Concert après concert, je reste le même. Peu importe, je fais les mêmes rêves qu'hier. Et même si le succès me brûle les ailes, je sais que quelqu'un m'attend au ciel. Dites au pilote d'orienter l'avion vers la Mecque, je vais faire la salade. Normal, tu pas baraque, y'avait rien à grailler à la baraque. Pareil qu'il parle dans mon dos, j'entends rien, je suis dans mon condo là-haut. Il pleut des balles et regardez bien la tête sous l'eau. Tête sous l'eau. Les rêves s'arrêtent là où les gardes à vue commencent. Une balance reste une balance, un jour ça recommence. Les meilleurs s'en vont les premiers, mais je suis toujours là. Une fois dans la mer, tu verras qui sera toujours là. Sometimes I could cry from the memories of you, but I keep it inside. I just really miss you. I know there will come a time when I get to see you again. We live, we die, we love, live, we die. Yeah, yeah. L'ascenseur puait la piste, ma voiture sent le neuf. Et ouais, j'ai pas changé, majeur en l'air contre les keufs. C'est les sœurs qui portent le voile que les keufs veulent dévisager. Normal que les frères me tiennent au courant, ils se sont fait taser. Ils veulent qu'on tombe, mais nos familles au bled égorgent des moutons. On renvoie l'ascenseur, mais ils ne savent pas appuyer sur le bouton. Je profite et je fous la vie en glock. Certaines histoires se finissent avec un glock, glock. Je tournais en promenade, j'avais du mal avec le français. On se revoit 15 ans plus tard sur la promenade des Anglais. Les meilleurs s'en vont les premiers, pourtant je suis toujours là. Une fois dans la mer, tu verras qui sera toujours là. Sometimes I could cry from the memories of you, but I keep it inside. I just really miss you. I know there will come a time when I get to see you again. From the memories of you, but I keep it inside. I just really miss you. I know there will come a time when I get to see you again. We live, we die, we love, live, we die. Yeah, certains jaloux ouvrent leur gueule robeux, mais faut les laisser. Parfois pour commencer à vivre, faut être victime d'un décès. Ou bien les blessés, Renoir, fais attention. Il n'y a qu'un pas entre notre relation et réanimation. Du mal, du bien, banlieue sale, CDC. Quand le bon Dieu t'appelle, tu paies le haram, TTC. Ouvrir les portes avec des clés de bras gros, c'est toujours fouini, baby, Maybach, oh. Sometimes I could cry from the memories of you, but I keep